On a souvent renversé ses yeux remplis de larmes qui ne demandaient qu'à verser leur tristesse du jour. On a connu des chagrins que l'on rencontrait par hasard. Mais chaque moment de pluie accompagne la vie en douceur. On sait aimer la tristesse quand on aime. Et les bras ouverts sur le monde, on attend que le vent nous balaye. Aussitôt il meurt, même dans l'univers des rêves, on ne croit plus les mots. Les mots sont si simples à dire, si difficiles à penser. Et les bras ouverts sur le monde, on n'a plus qu'à attendre que le vent nous balaye.